Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est le défi de Toff. Yo, c'est parti, le défi de Toff maintenant, et on devait le faire vendredi, on n'a pas eu l'occasion de le faire malheureusement. Mais il est là. Il est là, il est arrivé. Le Beaujolais nouveau. Oui, le Beaujolais pas bon. Et oui, c'est ce qu'on appelle le pipi. Oui. De la pisse. Il n'y a que les Japonais qui ont vraiment compris à quoi servait le Beaujolais. Hein. C'est-à-dire ils en font quoi ? Des bains. Ah oui, c'est vrai. Ils se baignent dedans. Ah bon, ouais, super. Alors attention, c'est parti. Beaujolais, donc, c'est le défi Beaujolais ce matin. Audrey. Il a du retour. C'est une blague ou quoi? Ceci est vraiment vendu dans le commerce tel quel, il n'y a aucun additif dans la vendu. Sérieux, c'est rien rajouté parce que là ça pue. C'est-à-dire que des gens payent pour avoir ça. Mais il faut être malade. Mais oui, et une fortune puisque nous avons payé presque 4 euros pour cette bouteille. quand même. C'est-à-dire qu'il y a plus cher de verre que de contenu, mais. Bon, alors attention, Beaujolais nouveau, c'est parti. Celui qui boit le plus dans le verre, parce qu'on n'arrivera pas au bout. À l'identique. Allez Audrey, parce que tu disais j'arrive rien à avaler, mais les pains au chocolat t'arrives à les avaler, donc t'as intérêt à avaler ça aussi, hein. Ouais. Allez. Alors que Toff, lui, il cuve, hein. Il y va. Ah, il va. Allez Audrey, encore. Allez Audrey. Oh là là, quel cinéma. Oh non. Bah pour l'instant, ça va, j'ai un peu de marche, elle boit plus, c'est bon. Non. C'est tout ? C'est dégueulasse. Non, franchement, il faut être malade. Je comprends pas combien il y a de gens qui achètent ce truc, c'est dégueulasse. Oui, ça n'est pas très bon, effectivement. C'est vrai que c'est pas bon. Oh. Bon, bah écoute, malgré qu'elle soit malade, on s'en fout, hein, la règle est la règle. Putain, ça n'était pas bon. La règle est la règle, attention, regarde. C'est parti. Comme je suis dépourvue de mes forces, je me laisse faire. Enfin, pas tout à fait. Allez, Toff. Mets tes mains derrière. Mais Toff, pas doucement. Audrey, mets tes mains. Et voilà. J'en ai marre. Essayez, c'est fait. Elle a pris la claque, c'est normal en même temps. Hein. Et pendant ce temps-là, on peut remarquer évidemment qu'elle mange son pain au chocolat. Sur ce, quelqu'un veut encore un peu de Beaujolais ? Non, bah écoute, ça va aller là. Hein. Bon. Ça va aller. Bon, enfin, si vous voulez venir à la radio le prendre, on vous le donne avec plaisir. Hein. Non, mais Zéreux, t'as rajouté un truc dedans. Non, véridique, il est vendu comme ça. Mais c'est même... Quelle horreur. Hein, mais c'est scandaleux. Aucun hein. additif. C'est scandaleux. Enfin. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon Steve, on va jouer au Free Code Game, tu connais le principe ? Plus ou moins, ouais. Bon, alors je vais quand même le rappeler pour ceux qui débarquent et pour toi aussi accessoirement. Le Free Code Game, c'est 4 séries de questions. Il faut en choisir une des 4. Ça va des questions les plus faciles aux plus compliquées et fatalement des cadeaux les plus petits aux cadeaux les plus grands. Par exemple, petit paquet, tu risques de jouer pour gagner une compile Fun Radio. Grand paquet, c'est pour gagner des places de ciné. Doorroom, c'est pour gagner un iPod. Et enfin, mitraillette, c'est pour gagner une tablette numérique. Steve, que choisis-tu ? Je prends le plus gros paquet, hein. Donc mitraillette ou le grand paquet ? Ouais. La mitraillette pour gagner la tablette ? Ouais, on va essayer. Oh, ça rime. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu es poète ce matin ? Faut fatiguer. Eh oui, bon, c'est pas celui-là. Free Code Game. Allez, c'est parti, le Free Code Game, on y va. Bonne chance, Steve. Je te pose maintenant 5 questions. Tu réponds bien à 3 sur 5 et c'est gagné, d'accord ? Ça va. Allez, c'est parti, on y va. Let's go, comme on dit. Selon la chanson de Jacques Dutronc, à quelle heure s'éveille Paris ? À 5h. Bonne réponse. Oui. Qui a créé les Restos du Cœur ? C'est une musique, ça. C'est perdu, c'est Coluche. Ouais. Et oui, ouais, Coluche. Dans le sang, qui transporte l'oxygène ? Dans le sang, le truc blanc, là. Oh, le truc blanc, non, c'est Monsieur Oxygène. Ouais, non, c'est les globules rouges. Voilà. Ouais, les globules. Et oui, combien de Tours de France a gagné Louis Armstrong ? 3. Non, 0, comme Lance Armstrong, d'ailleurs, au passage. Hein, donc, c'est une mauvaise réponse. Et enfin, comment s'appelle la femme du bouc ? Question validée par Aline. La chaîne. C'est une bonne réponse. Allez, bravo à toi. Bravo à toi, mais malheureusement, ça ne fait que 2 bonnes réponses puisque tu as raté Coluche, t'as raté les globules rouges et t'as raté Lance Armstrong. Ah, c'est dommage. Eh oui, c'est dommage. Oh, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Hein. Ouais, une prochaine fois, on va essayer. Je compte sur toi, pas de problème. Bon, ben salut, passe une bonne journée, Steve. Merci à toi aussi. Allez, à bientôt. Salut à toi, Steve. Ciao. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah, alors t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. En France, les membres de l'UMP regrettent Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Pour le nouveau président du parti, la succession va être difficile. L'UMP, ça sent mauvais. Twilight 5 a été censuré dans plusieurs pays, dont l'Iran. Twilight 5 étant un film de vampires, les autorités iraniennes ont été choquées d'apprendre que Robert Pattinson se fait sucer par Kristen Stewart. Les généraux américains John Allen et David Petrus, qui ont démissionné pour adultère, ont fait bouger les choses dans l'armée. Dorénavant, dans l'armée américaine, les soldats salueront au garde à vous, fixe, trompé. Du nouveau dans l'élection du président, du nouveau président de l'UMP. Et toujours pas de gagnant, même si Jean-François Copé revendique sa victoire fortement. D'après Copé, il n'y a aucun doute, Fillon devrait l'avoir dans le cul. Et pour terminer, si vous aimez les yaourts pour enfants et les nausées, n'oubliez pas de manger des petits gerbets. C'est nul. Mickaël à la radio. Le rip tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Direction la ligne anti-relou avec les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013. Et on écoute évidemment le premier message. Patrice de Mythique. J'adore les femmes qui sont coquines. Moi aussi, je suis très coquin, mais bon, je préfère t'avoir en ligne pour avoir une petite conversation sensuelle. À plus tard. Mais oui, une petite conversation sensuelle. Mais j'ai l'impression qu'il est avec ta mère ou j'ai pas... Non. Il dit quoi? Ah, ok. Je sais pas ce qu'il dit, on s'en fout. Ok, on s'en fout. Non, mais parce que je suis impatient d'arriver à celui-là. Je sais que tu peux me rappeler, s'il te plaît. On va le remettre, hein. Oui, bonjour Eugénie. C'est Eric de chat. Je sais que tu peux me rappeler, s'il te plaît. Il a une voix de canard en plus. C'est un truc de ouf. Moi je trouve ça très sexy, très classe. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.